21. Salut tout le monde, c'est l'heure de la techno sur 21, une émission toujours proposée en collaboration avec le Fuse. Cette semaine, nous avons le plaisir de vous offrir 2 heures en compagnie de Miskitine. Ce sera ensuite Vitalik qui prendra le relais jusque 4h du matin. Bonne écoute sur Radio 21 et à tout à l'heure. We'll be right back. Radio 21. Radio 21. water and our God. I am excited about the house of God. The house of God. The house of God. The house of God.

21. Thank you. Vingt et un, vingt et un, vingt et un, vingt et un. 21. Oh,